Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génesseau, J. de Gigor, éditeur, 1913. Examen général de conscience, pour purifier l'âme, et mieux se confesser. Je suppose qu'il y a en moi trois sortes de pensées, les unes, proprement miennes, naissent de ma volonté et de ma liberté, les autres viennent du dehors, et ont pour principe le bon ou le mauvais esprit. Note. Examen général, ou principes généraux sur l'examen de conscience qui doit se faire avant une confession générale, ou avant une confession ordinaire, ou même tous les soirs, comme on le verra ci-après dans la manière de faire l'examen général. Qu'il y a en moi. Qu'il y a, expression de l'autographe. Il s'agit de pensées libres et réfléchies, et nullement de ces pensées rapides et momentanées qui passent en nous, mais qui ne sont pas en nous, nullement de ces écarts de l'imagination dans lesquels il n'y a aucune advertance de l'esprit, auxquels la volonté ne prend aucune part. Qu'il y a en moi, Saint Ignace, comme on peut l'observer encore, emploie volontiers la première personne. Cette manière de parler est celui qui fait les exercices à penser à lui, à s'appliquer les vérités qu'il médite, et à se dire à lui-même « Tu es cet homme. » Viennent du dehors. Cette expression se retrouve dans la seconde règle des scrupules, et elle est aussi juste que lumineuse. Pour peu que l'homme s'étudie sérieusement à connaître ce qui se passe au fond de son âme, il discernera sans beaucoup de difficulté une pensée qui naît de son propre fond, d'une pensée qui vient du dehors. Les pensées qui viennent du dehors sont suggérées par le bon ou par le mauvais esprit. Par le bon esprit, ce sont des inspirations, par le mauvais esprit, ce sont des tentations ou des illusions. L'homme spirituel examine donc toutes les pensées qui sont en lui, soit qu'elles lui appartiennent, soit qu'elles viennent du dehors, il suit avec docilité ce qui est bon, il repousse avec fidélité ce qui est mauvais, il déjoue par la prudence ce qui est fallacieux, l'homme spirituel juge de tout, dit saint Paul. 1 Corinthiens 2, 15. Fin de la note. Premièrement, de la pensée. On peut mériter en deux manières lorsqu'une mauvaise pensée vient du dehors. Premièrement, si, lorsque la pensée de commettre un péché mortel se présente, je lui résiste aussitôt, et qu'ainsi j'en triomphe. Secondement, si, d'abord repoussée, cette mauvaise pensée revient une ou plusieurs fois et que je lui résiste toujours, jusqu'à ce que je la chasse entièrement. Cette seconde manière est d'un plus grand mérite que la première. On pêche véniellement, quand la pensée de péché mortellement s'offrant à l'esprit, on lui prête l'oreille en s'y arrêtant quelques instants, ou lorsqu'on en reçoit quelques délectations sensuelles, ou lorsqu'on apporte quelques négligences à rejeter cette pensée. On pêche mortellement en deux manières, la première, lorsque l'on consent à la mauvaise pensée, avec l'intention de commettre ensuite le péché dont la pensée se présente, ou avec le désir de le commettre, si on le pouvait, la seconde, quand on commet extérieurement ce péché. Or, le péché d'action est plus grave que le péché de pensée pour trois raisons. Premièrement, à cause de la durée qui est plus longue, secondement à cause de l'affection désordonnée qui est plus forte, troisièmement à cause du dommage qui est plus grand pour les deux personnes. Note. Pour les deux personnes, c'est la traduction littérale, et ce qui est dit plus haut de la délectation sensuelle prouve qu'il s'agit surtout en cet endroit de pécher contre le sixième commandement. Deuxièmement, de la parole. On ne doit jurer ni par le Créateur ni par la créature qu'avec vérité, Respect et nécessité. Il n'y a pas nécessité d'affirmer avec serment toute vérité, mais c'est là seulement dont il doit résulter un avantage de quelque importance pour l'âme, pour le corps ou pour les biens temporels. On jure avec respect quand, en prononçant le nom de Dieu, Créateur et Seigneur de toutes choses, on se rappelle l'honneur et le respect qui lui sont dus. Encore que dans le jurement fait en vain le péché soit plus grave quand on jure par le Créateur que quand on jure par la créature, il faut cependant remarquer qu'il est plus difficile de jurer avec les conditions requises, c'est-à-dire avec vérité, nécessité et respect, par la créature que par le Créateur, pour les raisons suivantes. Premièrement, lorsque nous voulons jurer par quelque créature, la pensée de nommer la créature ne nous rend pas aussi attentifs ni aussi circonspects pour dire la vérité, ou pour l'affirmer avec nécessité, que la pensée de nommer le Seigneur et Créateur de toutes choses. Note. Lorsque nous voulons jurer, la pensée, ou la volonté de nommer, il s'agit ici de l'attention qui doit précéder le jurement, et non l'accompagner seulement. Fin de la note. Secondement, il n'est pas aussi facile de rendre au Créateur un témoignage de vénération et de respect en jurant par la créature, qu'en jurant par le Créateur et Seigneur lui-même et en prononçant son saint nom. En effet, la pensée de nommer Dieu, notre Seigneur, inspire par elle-même plus de vénération et de respect que la pensée de nommer un objet créé. Il suit de là qu'il est plus permis aux hommes parfaits qu'à ceux qui sont imparfaits de jurer par la créature, parce que les premiers, éclairés par la lumière qu'ils reçoivent dans la contemplation assidue des choses divines, peuvent plus facilement que les seconds méditer et contempler que Dieu, notre Seigneur, est dans toutes les créatures par son essence, par sa présence et par sa puissance, et ainsi, en jurant par la créature, ils sont plus aptes et plus disposés à rendre un témoignage de vénération et de respect à leur Créateur et Seigneur. Troisièmement, en jurant fréquemment par les objets créés, les imparfaits sont plus exposés à l'idolâtrie que les parfaits. Note. Le serment qui se terminerait à la créature, sans se rapporter autrement au Créateur, serait un acte d'idolâtrie. Or, les imparfaits sont plus exposés que les parfaits à ne point rapporter au Créateur le jurement par la créature. Fin de la note. Il ne faut dire aucune parole oiseuse. J'entends par parole oiseuse celle qui n'est utile ni à nous-mêmes ni au prochain, ou qui n'est pas dirigée à cette fin. Toutes les fois donc qu'il doit résulter, ou que nous avons intention qu'il résulte de nos discours un avantage pour notre âme ou pour celle du prochain, pour notre corps ou pour nos biens temporels, ce n'est pas une parole oiseuse. Quand même nous parlerions de choses étrangères à notre profession, comme si, étant religieux, nous parlions de guerre ou de commerce. Mais, en général, toute parole dite avec une intention louable et méritoire et toute parole proférée avec une intention coupable, ou seulement sans motif raisonnable, est un péché. Gardez-vous de la détraction et des murmures. Manifester un péché mortel qui n'est pas encore public, c'est un péché mortel. Si le péché que vous révélez est véniel, vous commettez un péché véniel. Et si vous parlez des défauts d'autrui, vous découvrez votre propre défaut. Mais, supposez que vous ayez une intention droite, vous pouvez parler en deux circonstances des péchés ou des fautes de votre prochain. Premièrement, quand le péché est connu publiquement, par exemple lorsqu'il s'agit d'une personne de mauvaise vie, ou d'une sentence portée par un tribunal, ou d'une erreur publique qui empoisonne les âmes de ceux parmi lesquels elle se propage. Secondement, Quand le péché est secret et que vous le révélez à une personne dans l'intention qu'elle aide celui qui l'a commis à sortir de son mauvais état, pourvu toutefois que vous ayez des raisons suffisantes de penser qu'elle pourra lui être utile. Note. Le père Frugius ajoute ici l'alinéa suivant. On peut mettre au nombre des péchés de la langue les moqueries, les injures et autres semblables, dont celui qui donne les exercices pourra faire un plus long détail, s'il le juge convenable. Fin de la note. Troisièmement de l'action. On doit s'examiner sur les commandements de Dieu et de l'Église et sur les ordres de ses supérieurs. Tout ce qui se fait contre quelqu'une de ces trois parties de nos obligations, selon son importance plus ou moins grande, est un péché plus ou moins grave. J'entends par ordre des supérieurs tout ce qui est revêtu de leur autorité, comme sont les diplômes accordés par les souverains pontifes, dans l'intention d'obtenir de Dieu le triomphe de l'Église sur les infidèles et la concorde entre les princes chrétiens, et autres concessions d'indulgence attachées à l'accomplissement de certaines œuvres, et surtout à la confession de ses péchés et à la Sainte Communion. Car ce n'est pas un péché léger d'être cause que les autres méprisent, ou de mépriser soi-même ses règlements et ses recommandations si saintes de nos premiers pasteurs. Markendanarchive.org, 2020. D'après Archive.org Université de Toronto, Université d'Ottawa et Livre Mystique.com, Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.